promets. Ah, mes sœurs, que cela m'afflige de vous annoncer mon départ. C'est ma famille qui m'oblige à partir d'ici sans retard. Une autre en pourrait être heureuse, une autre quitterait joyeuse tes murs, ô ma chère prison. Mais à les quitter toute prête, je ressens un chagrin profond. Alors, mademoiselle Denise. Faites pour entrer en religion. Oui, c'était là ma vocation. Oh non! Si, d'ailleurs, je dis frère, compagnon, c'était là ma vocation. Vocation, ça, en religion, non, mais pas exagéré. Plus d'une ici me porte envie, me jalouse et se dit tout bas que je vais connaître la vie et ses plaisirs et ses éclats, les bals, les bijoux, les théâtres, de ces passe-temps trop folâtres, chacune. Mais moi, ces joyeux bruits de fête, je les fuirai comme un poison. Parce que j'étais. C'est fini, oui, mademoiselle Denise. Allons. La charrette. Adieu ma chère, allons j'espère qu'on vous reverra dans ce lieu. Mettez-vous en route, mes gars, sans doute vous reviendrez, plaise à Dieu. Adieu ma chère, allons j'espère qu'on vous reverra dans ce lieu. Mettez-vous en route, mes gars, sans doute vous reviendrez, plaise à Dieu. Vite, mettez-vous en route, adieu cher ami, adieu. On vous reverra sans doute. Voilà comment moi, Célestin alias Floridor, je me retrouvais chargé d'une redoutable mission, veiller sur l'honneur de la perle du couvent des Hirondelles. En arrivant à Pont-Arcy, je m'empressais de conduire ma compagne de voyage à l'hôtel du Lion d'Or. Après un repas léger et rapide, je l'installai dans une chambre en la priant de m'attendre, comme elle me l'avait promis, bien sagement. Puis je filai vers le théâtre où, pendant ce temps-là, au foyer des artistes,